ans, maman. J'ai pas peur du sang. Je suis une enfant pour qui tu me prends. Faut que je me dépêche de vivre ma vie, maman. J'ai déjà trouvé mon premier cheveu blanc. J'ai 12 ans, maman. J'ai pas beaucoup de temps. Je sais pas si tu comprends comment je me sens. Quand je vois passer des fusées dans le firmament, je me dis qu'on va y goûter avant longtemps. Quand je regarde à la télévision, on parle seulement de pollution et de surpopulation. Peut-être que la bombe à neutrons sera le meilleur remède contre la misère. Sur la terre, sur la terre. Naturellement, tu regardes seulement les téléromans, maman. Tu sais pas ce qui se passe dans l'univers. J'ai 12 ans, maman. J'ai besoin d'argent. Je pourrais me prendre un amant comme dans ton temps. Ouais, qu'est-ce que je vais faire pour gagner ma vie, maman? Je veux pas étudier pour rien jusqu'à 30 ans. Aujourd'hui, à l'école, on nous a parlé des possibilités de vie dans les autres galaxies. Puis on nous a aussi montré un film où l'on voyait comment copule, comment copule la libellule, la libellule. C'est quoi la vie? J'ai pas envie d'avoir d'enfant, maman. Que je commence à prendre la pilule. J'ai 12 ans, maman. J'ai pas beaucoup de temps. Je sais pas si tu comprends comment je me sens. Comment je me sens quand je vois passer des fusées dans le firmament. J'espère qu'un jour je pourrai partir dedans. J'ai 12 ans, maman. J'ai 12 ans, maman, maman, maman. J'ai 12 ans, maman, maman, maman, maman. J'espère qu'un jour je pourrai partir dedans. J'ai 12 ans, maman, maman, maman, maman. J'ai 12 ans, j'ai 12 ans, maman, maman, maman, maman. J'ai 12 ans, j'ai 12 ans, maman, maman. J'ai 12 ans, maman.